Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Cécile Djunga. Bonjour tout le monde, salut Sofiane, ça va? Salut Cécile, ça va et toi? Ben oui, merci de m'inviter. Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est un plaisir. Bah écoute, en tout cas je sais que je rejoins un petit peu le panthéon des humoristes parce qu'il y en a qui ont défilé là dans ton podcast, c'est cool, c'est moi qui suis fière de d'y participer, tu rigoles? Ah bah franchement, ça me va droit au cœur. Oui, c'est vrai qu'il y a eu du beau monde. Moi, j'essaye vraiment de faire en sorte que dans ce podcast, tout le monde, tous les humoristes se mélangent, autant ceux qui ont trois scènes derrière eux que ceux qui ont des carrières de plusieurs décennies, parce que j'estime qu'on est tous sujets aux galères à partir du moment où on monte sur scène. On s'expose à avoir des galères et on doit les partager pour rigoler avec les copains, quoi. Ouais, et aussi pour... faire comprendre aux gens que c'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a forcément des obstacles, mais qu'on rebondit et que voilà, il faut s'accrocher, mais comme n'importe quel rêve finalement, n'importe quel métier qu'on a envie de faire, il y a toujours des embûches. Là, c'est vrai qu'on est dans le show business, on peut avoir l'impression que ça n'est fait que de strass et paillettes, mais non. Certainement pas, c'est sûr que non. C'est vraiment pas un long fleuve tranquille, c'est pas un chemin tout tracé, c'est une longue course, c'est des challenges permanents, et puis des mises en danger, des remises en question, et après on y arrive ou pas, mais en tout cas, voilà, chacun a son chemin vraiment différent, et toi en l'occurrence, tu en sais quelque chose, parce que tu fais de la scène, tu fais de la télé, tu as vraiment tout un regard global sur tous les médias en fait, et je pense que chacun apporte son lot de galères et de challenges à relever, quoi. Ouais, c'est clair, mais c'est comme tout hein, finalement dans la vie, je pense qu'il n'y a rien qui est simple, il faut s'accrocher et moi souvent il y a des jeunes comédiens qui me demandent tiens, j'aimerais me lancer dans le théâtre, j'aimerais faire telle école ou quoi, qu'est-ce que tu me conseilles, ou j'aimerais me lancer dans l'humour, etc. J'ai pas beaucoup de conseils à donner, mais tout ce que je dis, c'est sois sûr de le faire pour les bonnes raisons et d'avoir réellement envie de le faire. Parce que c'est tellement, ça demande tellement d'implication, de sacrifice, que si on le fait pour la gloire et pour les paillettes et tout ça, on risque d'être rapidement déçu. Donc je dis toujours ça, ouais. Sois sûr de le faire pour les bonnes raisons. C'est vrai. Pas pour le tapis rouge, parce que... Bah, derrière le tapis rouge, t'as mal aux pieds, en fait, de toute façon. Ouais. Quand t'es en escarpin, avec ta robe que t'arrives pas à fermer. Donc, en fait, c'est... voilà, c'est toujours l'envers du décor. Donc, t'inquiète, je me prends pas la tête. Si jamais je dois y aller, je mettrai un jogging, c'est plus simple. Ah, est-ce qu'on a déjà eu beaucoup de montées des marches avec un jogging? Je suis pas sûre. Hein. Je pense qu'on t'attend, là. Je pense qu'on t'attend. Non, vu mon gabarit, je pense que je vais prendre l'ascenseur. Je vais pas prendre les marches. Voilà, ça, c'est une bonne excuse pour dire ouais, mais moi, je suis au-dessus des marches. Moi, je suis au-dessus du game. Moi, j'ai une autre destinée. Moi, je prends l'ascenseur. Bien sûr. C'est pas facile en fait de commencer une carrière dans l'humour quand on n'a pas les bonnes raisons. Il y en a qui veulent que la lumière. Ils veulent juste briller entre guillemets. Mais en même temps, c'est là où on les reconnaît, c'est que ces personnes-là, en général, elles vont plus, tu vois, elles vont plus aller vers le vol de vanne ou quoi, tu vois, parce que tout ce qu'elles veulent, c'est briller. Oui, mais oui, après, le vol de vanne, c'est quand même déjà, c'est pas un extrême, enfin bon, c'est pas non plus le truc le plus courant, mais je pense que ces gens-là, ils vont surtout aller peut-être plus dans le même sketch qui va tourner en boucle pendant très très longtemps, et parce qu'ils vont avoir du mal à se renouveler. En fait, ils vont avoir du mal à passer outre le premier petit succès. Parce qu'on a toujours un petit succès la première fois qu'on monte sur scène. C'est difficile, mais une fois qu'on arrive à faire quelques bonnes vannes, on est nouveau dans le milieu, donc il y a de la fraîcheur, il y a de la nouveauté, il y a de la curiosité, il y a de l'adrénaline, il y a tout ça qu'on a au départ, qu'on n'a plus après. Et donc, c'est un petit peu la chance du débutant, comme on dit. Maintenant, et après, ce qui est difficile, c'est de perdurer, c'est d'écrire 2, 3, 4, 5, 100, 100 autres sketchs. De pas aller dans la facilité, de faire autre chose et de pas faire la même chose que tout le monde, de se réinventer. De durer, en fait, c'est tellement sur la longueur être humoriste. Moi, c'est un truc vraiment que je remarque. Vraiment, c'est ouais, sur la longueur, finalement, on retrouve toujours un peu les mêmes parce que c'est épuisant, en fait. C'est épuisant. Moi, comme tu le dis, je travaille en télévision en tant qu'animatrice, en tant que chroniqueuse, en tant que présentatrice. Je suis aussi comédienne de théâtre. J'ai fait du doublage. Enfin, voilà, j'ai un peu touché à tout dans le domaine artistique télévisuel, on va dire, et scénique. Mais alors être humoriste, moi je te le dis, c'est la chose la plus difficile, c'est le plus dur. C'est intéressant, enfin, on aurait tendance à penser que la télé est plus difficile. Non, enfin après, attention, chacun a ses, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, pour moi, et je ne pense pas trop me tromper en disant ça, pour moi, l'humour, c'est de loin le plus difficile parce que j'ai beau, en effet, hein, parfois enregistrer des émissions, j'ai co-animé The Voice Belgique où j'étais en direct devant des centaines de milliers de téléspectateurs. Je présentais la météo, pareil, c'était des grosses audiences. J'ai fait des... Enfin, voilà, j'ai fait un tas de trucs avec... avec beaucoup d'audience, ou même j'ai joué des pièces de théâtre devant plus de 1000 personnes deux fois par jour, mais je n'avais pas le trac et l'adrénaline comme je l'ai quand je monte sur scène avec mes vannes. Parce que déjà, l'humour, tu as une immédiateté que tu n'as pas au théâtre, où tu as un quatrième mur. Dans certaines pièces de théâtre, si ce n'est pas des comédies, si les gens ne rient pas, les pièces où tu n'attends pas un rire derrière... tu peux ne pas te rendre compte que la salle entière est en train de s'endormir. C'est ce que je veux dire. Parce que tu t'adresses à un quatrième mur, tu n'as pas de réaction directe. Tu vois, il n'y a pas forcément un rire ou des larmes ou un bruit. Donc, si tu veux, tu es dans ta bulle. Et bon, après, quand même, les comédiens intelligents arrivent quand même à sentir une salle. Mais enfin, bon, dans l'humour, tu as quelque chose, c'est directement. Ça marche ou ça ne marche pas. Et surtout, tout le monde s'en rend compte. Ce n'est pas juste toi qui t'en rends compte. Quand tu es un spectateur, que tu vas à un spectacle, tu te rends bien vite compte que personne ne rigole dans la salle. Et donc, c'est malaisant. Et donc, ça devient de plus en plus malaisant pour tout le monde. Et donc, la soirée n'est pas folle, quoi. Et à la télévision, c'est pareil. Moi, la caméra, je trouve que ça me protège quand même vachement. Il y a une distance, tu vois. Si ça se trouve, c'est pourri ce que je fais. J'ai déjà fait des trucs pas terribles. Et j'en ferai encore des trucs pas terribles. Mais tu n'as pas la réaction directe, à part sur Twitter quand tu te fais insulter. Mais ça, c'est encore après, tu vois. La gentillesse légendaire des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais tandis que sur scène, tout sur scène, c'est jugé. Direct. C'est immédiat. Mais quelque part, je trouve que c'est une vérité, tu vois. Là, il n'y a pas de montage, tu vois. C'est pas comme une vidéo que tu vas faire, par exemple. Alors, je ne dis pas que faire des vidéos, c'est facile, hein, certainement pas. Mais je veux dire, si tu fais une vidéo, si tu fais une émission, on va toujours pouvoir arranger un petit peu, faire en sorte que ce soit vraiment présentable, nickel. Alors que quand tu es sur scène, tu es vraiment dans la plus grande simplicité, dans une sincérité dans cette démarche, quoi. Et les gens le ressentent. Et donc, s'ils adhèrent, ils rigolent. S'ils adhèrent pas, ils rigolent pas. Mais là, tu vas le prendre directement pour toi parce que tu leur as livré toi, en fait. Tu vois, oui, tu leur as pas livré. Tu fais le parallèle avec les vidéos. Les vidéos, c'est très difficile. Moi, je rêverais de pouvoir développer ma chaîne YouTube et de faire davantage de vidéos. Mais je pense que j'ai aujourd'hui pas ce talent-là ou cette possibilité-là. Mais tu vois, par exemple, un très bon YouTuber n'est pas forcément un bon humoriste sur scène. Parce que YouTube, les vidéos, peu importe, Instagram ou quoi, tu vas couper, tu vas cutter, ça va donner un rythme. Et puis sur scène, il y a une autre compétence qu'il faut, c'est il faut de la voix, il faut savoir maîtriser sa voix. Et puis il faut son corps aussi, il faut savoir maîtriser ton corps. Tu dois savoir quoi faire de tes deux bras, de tes jambes, où poser ton regard, comment bouger sur scène. Enfin, ça demande aussi de la technique quand même. Et donc, c'est deux exercices différents. Et puis il faut savoir aussi refaire les mêmes... van tous les soirs en y prenant toujours du plaisir. Ça aussi, c'est difficile quand tu joues ton truc. Voilà, j'ai fêté la 100e de mon spectacle. J'assure qu'au bout de 100 fois, il y a des trucs que j'ai plus envie de voir. Évidemment, tu vois. Je me suis rarement ennuyée sur scène. C'est plutôt parfois avant de monter sur scène, je me dis oh là là, ce soir, j'ai pas envie. Parce que c'est ça aussi, en fait, devenir professionnel. C'est que ça peut être une passion. Ça en devient un métier, donc parfois ça devient une contrainte, et donc parfois on n'a pas envie. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir envie d'aller sur scène, d'être chez moi, de ne pas avoir envie de me mettre en route pour aller faire faire un chemin long pour aller rejoindre un théâtre, machin. Ça m'est déjà arrivé, mais par contre, une fois sur scène, ça ne m'est jamais arrivé de me dire oh là là, j'ai envie de. Je coupe 4 sketchs et je vais au bout. Tu vois, ça m'est jamais arrivé. Il y a une magie quand la lumière s'allume et que tu entends surtout les premiers rires. Oui, les premiers rires, ça décontracte, ça détend. Et puis là aussi, ce qui est difficile en tant qu'humoriste, c'est aussi cette vulnérabilité. C'est que quand tu es derrière une caméra pour un film ou autre chose, souvent tu vas dire les textes des autres qu'on t'a écrit, tu vas interpréter un personnage. Et c'est difficile, mais c'est pas tes textes. Et quand c'est tes textes, c'est encore plus difficile parce que si les gens ne rient pas, tu te sens encore plus responsable parce que tu te dis, ouais, en fait, ils ne m'aiment pas, je ne suis pas drôle. Enfin, et puis tu remets tout en question. Pour moi, c'est l'art le plus difficile et beaucoup, beaucoup d'artistes le disent. Hein. L'humour, c'est ce qu'il y a de plus dur. Faire rire les gens, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin, vraiment. Tu donnes du bonheur aux gens, quoi. Tu leur permets d'oublier un petit peu leur quotidien et tout. Quand on me dit tu m'as fait oublier ma vie pendant 1 heure et quart, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Et pour une petite anecdote, moi je me souviendrai toujours. Moi j'étudie au cours Florent et au cours Florent, il y avait un petit peu la team. Moi j'étais je faisais déjà un petit peu d'humour. Il y avait la comédie musicale, etc. que je faisais. Et il y avait la team théâtre classique et la team comédie musicale, comédie musicale, comédie, tout ça. Et je me souviendrai toujours que on avait toujours, enfin, les gens du théâtre classique qui allaient beaucoup jouer des tragédies, etc., allaient souvent nous dire ouais, mais vous, ce que vous faites, c'est nul. Vous croyez dans un parc d'attractions. La vie, c'est pas Disney. Il y a aucune profondeur dans ce que vous faites. C'est nul. Et nous, on était très heureux de faire de la comédie et de faire de la musique et tout. Et nous, on avait tendance un petit peu à se dire, à se sentir dénigré, en fait, à se dire ouais, mais en fait, eux, c'est vrai, ils lisent du Shakespeare, du Molière, du Tchekhov, du Marivaux. C'est hyper intellectuel. Et nous, en fait, on réinterprète des trucs. Et après coup, et ben, une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai re-rencontré un de ces mecs de classe libre, hein, la classe, l'élite des cours Florent, et qui m'a dit, bah franchement, à l'époque, je vous ai dit que ce que vous faisiez, c'était du bac à sable, mais en fait, c'était la chose la plus difficile, et en fait, on en avait juste peur. Et ouais, et j'ai trouvé ça super beau, en fait. Bah c'est beau de le reconnaître, oui, c'est beau d'avoir cette humilité-là. Et c'est vrai que très souvent, le stand-up, l'humour, tout ça, c'est un peu apparenté au théâtre, mais de manière inférieure, tu vois. Les gens vont dire, c'est un peu le parent pauvre du théâtre, quoi. Complètement, mais tu vois, de moins en moins. Il y a de plus en plus d'humoristes, il y a de plus en plus de comédie club, il y a de plus en plus de café théâtre. Bon, ok, là je parle en temps de Covid, mais donc non. Mais dans l'absolu, les gens ont de plus en plus envie de sortir, et surtout, les humoristes sont de plus en plus bankable. Et qui est-ce que tu vois aujourd'hui dans les films de cinéma long métrage? Des humoristes, hein, qui ont des rôles parfois principaux ou des rôles importants dans les films, parce que ils ont cette énergie, ils ont cette sympathie, cette popularité, ce rythme C'est vrai. qui est hyper important en fait. Et donc, Ouais, faut... autant oui, c'était le parent pauvre, mais de plus en plus, les humoristes sont les gens bankable et les gens tendance et les gens qui cartonnent. Et c'est eux Absolument, qui font des pubs et qui font des films, parce que en fait, on en a besoin et on s'en rend compte que c'est un vrai exercice en fait. C'est pas de la blague. oui. Pour Ah ça. ouais, bah, je vais voir, je vais essayer de négocier s'il y a moyen que j'obtienne un rôle au cinéma dans la suite de Sauver Willy. Tu vois, Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Tu vois, des personnes comme Blanche Gardin qui sont aussi douées sur scène que devant la caméra, des personnes comme Haroun, tout ça. Je veux dire, c'est des nouveaux Ouais, humoristes comme aujourd'hui. Kéron aussi, comme Kayron Ken aussi, voilà. Ce sont aujourd'hui. des personnes, voilà, qui excellent dans l'art de la scène et qui ont réussi à faire la transition vers le cinéma et tout. Et on est vraiment ravis de voir que l'image du stand-up n'est pas restée celle de, voilà, du parent pauvre, un petit peu du théâtre au rabais, quoi, entre guillemets. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Et ça évolue, et tant mieux. Et parce que aussi, tu vois, les artistes prennent de plus en plus part, je trouve, à des débats sociaux, tu vois. Que ce soit des humoristes ou même des chanteurs. Là, tu vois, par exemple, j'ai encore vu, il y avait les Victoires de la musique la semaine dernière, où tu as des chanteuses comme Iseult, comme Pomme, qui ont des vrais propos, qui sont engagées, féministes, pour l'égalité sociale, contre le harcèlement, contre tout ça. Et en fait, elles prennent part, tu vois. Et pourtant, on pourrait dire à une époque, oui, c'est juste des petites chanteuses, on s'en fout de ce qu'elles pensent. Mais aujourd'hui, les gens aussi écoutent ces filles-là, suivent ces filles-là parce qu'elles sont engagées, parce qu'il y a un vrai fond. Et je pense que c'est pareil dans l'humour aussi. De plus en plus, l'humour est engagé, l'humour dénonce, l'humour dit des choses. Et donc, du coup, ben, les gens aussi, ils ont envie de suivre aussi les humoristes pour ça, tu vois. Et en tant qu'humoriste, on a aussi envie de. En tout cas, moi personnellement, quand j'arrive à faire réfléchir avec des vannes, c'est là où j'ai tout gagné, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire, et c'est ce que je veux faire de plus en plus. Parce que finalement, bon, sans me prendre pour Coluche, hein, et je ne veux pas m'enfoncer dans la politique, mais on peut tellement réussir à parfois faire bouger des petites lignes avec l'humour, parce que ça provoque une émotion chez les gens qui peut paraître anodine, mais qui en fait va les bousculer quand ils vont rentrer chez eux. Parce que le rire est une porte d'entrée à une discussion. Est une porte d'entrée à une réflexion. Et C'est vrai, hein. voilà, quelqu'un peut être vraiment raciste, il va te voir, moi je suis noire, voilà, sur scène, il va rire parce qu'en fait, le rire, il peut pas. C'est universel. Si ça lui fait rire, ça le fait rire, en fait. Oui, ouais, c'est ça. C'est... Le rire est un réflexe, en fait. Voilà. Et du, ouais, c'est et un du coup, ouais, et quand il va rentrer chez lui, il va se rendre compte quand même, bah, j'ai ri quand même pendant une heure et quart avec une petite noire congolaise. Oh là là. Et en fait, du coup, il va commencer à réfléchir. Et moi, j'ai déjà des personnes qui m'ont écrit des lettres comme ça, après coup, hein, en disant, voilà. À la base, on n'était pas très pour, mais on m'a emmené à voir votre spectacle. Et en fait, je me rends compte que blablabla. Blablabla. Et dans votre spectacle, vous parlez de racisme, de discrimination. Et ça m'a fait réfléchir. Et je me rends compte. Et j'ai honte. Et je m'excuse. Et merci. Et pardon. Ça m'est déjà arrivé, ça. C'est beau, ça. Tu vois ? C'est beau, ça. Franchement, c'est... Et c'est pour ça que je pense que l'humour, c'est vraiment une vraie thérapie. C'est un vrai pansement. C'est un vrai moyen d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les débats, de... Ah, c'est beau tout ce qu'on dit, voilà. Oui, mais c'est magnifique, mais je veux plus que tu restes en Belgique, je veux que tu vives avec nous ici, ça y est. Je suis désolé, mais là, en 2022, on risque peut-être d'avoir Marine Le Pen. Moi, je veux Cécile Dzunga à la place. Non. Je veux... Attends. Ah oui, c'est vrai, 2022, c'est déjà bientôt, en fait, hein, les élections, là. Oh là, là. C'est ça, c'est ça. Oui. Donc non, mais tu as totalement raison sur le fait que les humoristes aujourd'hui et les artistes en général peuvent donner des réflexions à leur public à travers leur art. Moi, je pense, il y a toujours un épisode qui m'a marqué. J'ai eu la chance de faire la première partie de Kevin Razi, son spectacle Mise à jour, génial. À l'époque. Et vraiment, j'ai pris une claque ce jour-là parce que ça m'a fait rire. J'ai hurlé de rire pendant une heure et demie et surtout. Ça m'a fait réfléchir, tu vois. J'ai trouvé ça intelligent. C'était la première fois de ma vie que je regardais un spectacle avec du fond. Et j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais moi, en fait, je n'arrive pas à faire ça. Tu vois, moi, j'essaye de faire rire. Ce n'est pas toujours évident. Donc, voilà, on fait déjà. Oui, mais déjà, la première étape, c'est de faire rire. Et je me disais, il faut que je passe à la deuxième étape, qui est de faire rire et d'apporter un message aussi. Donc, je, si tu veux, quand j'écris une blague, je ne me dis pas, il faut que ça fasse réfléchir. Mais. J'espère qu'à terme, avec le temps, j'espère que j'arriverai à apporter une dimension un peu plus, tu vois, un peu plus de réflexion, un peu plus profonde à mon spectacle, quoi. Mais ouais, en tout cas, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, après, non, mais vraiment, ça m'a, bah, c'est Kevin Razi qui m'a vraiment, tu vois, je veux dire, qui m'a fait comprendre qu'on pouvait faire rire et faire réfléchir en même temps. J'en profite pour le saluer. Et vraiment, ouais, d'ailleurs, moi, je le salue aussi parce que je l'ai vu récemment dans Culture Box, tu sais, la nouvelle chaîne de France TV, en attendant que le théâtre réouvre. Mmh. Ils ont fait le plus grand théâtre de France en télé et Culture Box. D'accord. Et c'est très très cool ces missions. Je suis tombée 2-3 fois dessus et à chaque fois j'ai adoré. Là c'était un plateau de Kevin Razi, suivi du plateau de Shirley Soignon, suivi du plateau de Guillaume Batz. C'était diffusé sur Culture Box et franchement c'était vraiment bien. Et surtout, ça m'a fait du bien de revoir du stand-up. Je crois que ça faisait vraiment un an que j'avais plus vu ça. Oh. Et c'était vraiment bien. Et ça faisait plaisir de voir Kevin Razi avec un look en plus génial, un espèce de peignoir comme ça, ou kimono plutôt, un espèce de kimono magnifique. Il a un style et... super, j'aime beaucoup. ouais. Et donc du coup, voilà, mais après pour revenir sur ce que tu disais, je pense que je vois ce que tu veux dire par rapport au fait de faire évoluer ton spectacle, mais je pense aussi que faire rire avec des choses parfois simples, c'est aussi quelque part c'est pas aussi évident, tu vois, et c'est aussi on en a besoin aussi de rire parfois de choses simples, savoir rebondir sur le quotidien, savoir rebondir sur l'actualité, savoir rebondir sur la société de manière simple et quotidienne et tout, c'est pas évident non plus, tu vois. Et je pense que je sais pas moi, des grands humoristes comme je sais pas moi, même Gad Elmaleh, même Florence Foresti, c'est le premier spectacle, ils n'étaient pas forcément engagés, hein. Ça parle de choses très quotidiennes. Je pense que aussi, il faut le sentir, il faut vraiment en avoir envie, et ça vient dans une évolution aussi. Être moralisateur parfois, c'est, enfin, il y a rien de pire que ça aussi, quoi. Tu vois, la frontière, elle peut être très mince parfois. Vraiment, tu as totalement raison de préciser. Mon but, c'est pas du tout, et je ferai pas cette erreur. C'est pas du tout genre de transformer mon spectacle actuel pour qu'il soit donneur de leçons. Évidemment, non. Là, mon spectacle va rester tel quel. S'il doit évoluer, il évoluera. Mais je veux dire, je ne vais pas volontairement essayer de lui donner un sens, parce que ça, ce serait vraiment le dénaturer, tu vois, ce serait le dénaturer et perdre le côté marrant qu'il y avait au départ et le côté un peu voilà, comme tu disais, rire sur des choses simples, quoi. Parce que moi, je fais beaucoup d'humour d'observation, donc vraiment, je dis non, je ne vais pas dénaturer mes blagues pour essayer de leur donner un sens. Ce que je veux dire, c'est que à terme, j'aurai peut-être des nouvelles blagues. J'ai déjà des blagues que j'ai écrites là, ben, pendant le confinement et tout, rien à voir avec le confinement ou le Covid, hein, mais je veux dire, j'ai eu des réflexions des fois qui m'ont amené des trucs marrants, si tu veux. Et là, du coup, je me dis, j'ai l'impression que naturellement, ça évolue un petit peu vers des blagues avec un peu plus de fond. Mais bien évidemment, si je devais rester qu'avec des blagues légères et sur des sujets pas graves du tout, ça ne me dérange pas. Moi, mon but premier, c'est que les gens rient. C'est le plus important. Ouais. Voilà. Non, bien sûr. Et ben, en tout cas, ouais, tu parlais de ton spectacle. Tu dis que tu avais fait donc plus de 100 représentations. Ouais. Tu vas reprendre après le Covid, quoi. Non, bah non. En fait, j'étais à la fin de ma tournée. Il me restait une trentaine de dates, quand même, encore. Ah. Mais là, avec le Covid, tout est en train d'être reporté, décalé, annulé. Enfin, c'est très compliqué. Donc là, pour le moment, on ne fait plus trop de plans sur la comète, tu vois. Et, ouais. Et moi, je commence déjà à écrire le prochain. Donc voilà, parce que j'ai envie. Et voilà, de passer à autre chose aussi, tu vois, là, il y a un an qui est passé entre les deux. Ouais. Et il y a des sketchs que je ne me vois plus jouer, tu vois. Il y a des choses qui, pour moi, appartiennent au monde d'avant. Déjà, mon spectacle déjà commençait à s'essouffler un petit peu parce que ça faisait déjà 100 dates. Il y a des sketchs que j'avais certains depuis le début, donc ça commençait déjà à faire parfois 3 ans. Enfin, tu vois, c'était quand même déjà un peu long. Et puis j'avais grandi entre temps, il m'est arrivé plein de choses, donc voilà. Mais alors là, après le Covid, il te ressemble plus. Ouais, il me ressemble plus. J'ai vraiment envie de monter sur scène avec des nouvelles choses. J'ai vraiment, enfin, et encore heureux, en un an, j'ai quand même réfléchi à plein de choses, j'ai évolué. Ouais. Donc j'ai envie de partir sur quelque chose de nouveau, et voilà. Ok, et donc en tout cas, avec le premier. Donc quand tu as tourné dans ces 100 dates et tout, tu as eu des anecdotes qui t'ont marqué vraiment ou... Ouais, alors il y a plein d'anecdotes qui m'ont marqué forcément. Uh-huh. Mais il y en a une dont je vais te parler parce que tu m'as demandé de réfléchir un peu à une anecdote. Ouais. Donc il y en a une qui s'adresse peut-être même un peu plus aux débutants, ou je dirais aux gens qui se lancent dans l'humour ou peu importe en fait, aux gens qui se lancent dans n'importe quelle discipline. Passion, discipline. Mmh. Alors, cette anecdote, c'était, je ne sais pas, il y a peut-être 4 ans, 3-4 ans. C'était au début de ma petite carrière d'humoriste. J'avais fait un concours, un casting, j'avais été prise pour jouer au Festival International du Rire de Rochefort. Ah, oui. Qui est dans le game de l'humour, un des plus gros festivals. En Belgique, c'est le plus gros festival belge, et dans la francophonie, c'est un des plus gros festivals. Oui, c'est un festival qui est là depuis des décennies, qui cartonne, il y a des grosses têtes d'affiches qui vont chaque année. C'est un festival sur plusieurs jours, voire peut-être même plus d'une semaine, je pense. C'est un très gros festival. Et dans ce festival, il y a le concours le tremplin talents. Du rire, ouais, des jeunes talents. Et voilà, si tu gagnes ce concours, l'année d'après, tu peux rejouer dans le festival. Et il faut savoir que dans le jury, tu as tous les directeurs de festival. Alentour, enfin, il y a le directeur du festival de Suisse, je crois qu'il y a Morges, je pense qu'il y a Montreux, il y a des festivals en France, enfin, bref, c'est un très gros jury. D'accord. C'est vraiment un vrai tremplin, c'est une très grosse étape, quoi. Et en fait, donc ils sélectionnent que 5 personnes pour faire le tremplin du rire. Okay. Et moi, je venais de commencer, donc moi, si tu veux, j'étais passé le casting en mode ouais, je vais le faire, mais je vais pas être prise, mais c'est un exercice, quoi, tu vois, tranquille. Je vais rencontrer l'équipe, je vais rencontrer d'autres talents, je vais faire mon truc. Alors, déjà, il faut savoir que le casting donc, d'humour se faisait genre à 9h du matin à Rochefort. Ah. Mais genre, le truc, mais horrible. Tu vois, c'est pas le casting que tu fais en soirée devant un public où t'as une adrénaline, t'as une ambiance, un contexte. Non, là, il est 9h du matin, t'es devant les bénévoles du festival et devant tous tes concurrents qui veulent juste que tu te casses la gueule. Il est 9h du matin, t'es à Rochefort, donc moi j'habite à Bruxelles, donc je pars à 7h, c'est loin, tu vois. C'était l'hiver, je pense qu'il neigeait à moitié, donc je pars à 7h du matin, donc je me lève à 6h pour faire rire des gens quand même. Hein. Oh là là. Tu vois, c'est quand même pas un contexte, quoi. Bref, je fais le casting, je suis crevée, mais ça se passe bien. Et je sais pas, quelques jours après, j'ai la réponse, je suis prise. Grosse surprise de ma part. Donc, je suis prise pour faire ce tremplin de rire à Rochefort. Et donc, je fais ce tremplin. Enfin, je sais que je le fais. Donc, je commence à stresser, tout ça. Mais bon, voilà, failli y aller. Je prépare mon spectacle, mais je modifie plein de choses parce qu'en fait, j'avais pas encore beaucoup joué. Tu vois, mon spectacle, j'avais peut-être joué 4 fois, tu vois. Ah, oui. Or, dans le festival, il y avait Giovanni qui faisait ça. Il y avait, enfin, je ne sais plus tous les humoristes qu'il y avait. Mais des il y avait mecs... du niveau, quoi. hyper expérimenté. Enfin, Giovanni, je ne sais pas si c'était même pas genre la centième de son spectacle pour le coup, tu vois. Il était hyper rodé, moi, pas du tout. J'étais stressée. Et en fait, je passais la même soirée que Giovanni. J'étais très stressée. Et à la dernière minute, ils ont changé l'heure de mon passage. Je devais passer avant lui. Ils ont voulu que je passe après lui. Mais moi, j'avais aucune confiance en moi. Je me suis dit, c'est une catastrophe. Tout le monde va être bien à son spectacle. Et puis, les gens vont pas rire avec le mien. Enfin, bref. Je fais la soirée. Et là, il n'y a rien de magique qui se passe. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Ça rit pas beaucoup. Je suis pas à l'aise sur scène. Ça craint. Tu vois, clairement, je sens que ça prend pas. Je sors de... Et donc, il y avait le jury qui était là et tout ça. Donc, j'avais joué ce spectacle. Et dans le jury, il y a Chantal Latsou, qui est présidente du jury. Génial. Sauf quand tu te vautres, en fait. Tu vois. Et donc, moi, je sors de scène, j'ai envie de mourir. Chantal Latsou qui me chope dans les loges. Et tu connais Chantal Latsou, elle me dit « Bah alors, ma petite, bah alors, bah c'est mauvais. On va te dire c'est mauvais, mais c'est mauvais. » Et elle me le dit comme ça. « Bah, c'est mauvais, écoute. » Et donc là, à ce moment-là, j'ai presque envie de pleurer, j'ai envie de me décomposer, tu vois. Et puis, elle enchaîne en disant « Écoute, moi, tu sais quoi, ce festival, j'étais avec Palmade, il y a 20 ans, on était ici, on s'est voté, on était nul, on a raté ce concours. Et regarde-moi aujourd'hui, je suis présidente de jury, alors ma petite, viens à la fois, bosse, et lâche jamais rien, allez, on va boire un verre. » Ah, c'est génial. Ah, c'est bien. Elle m'a exactement dit ça. Comme ça, bon, mieux, hein. J'ai fait mal. Ah, mais franchement, tu sais quoi, là, moi, je vois vraiment les intonations de Chantal Latsou et tout. D'ailleurs, j'en profite pour la saluer et lui dire qu'elle est la bienvenue dans le podcast. Mais si jamais elle n'est pas dispo, je te rappellerai toi. Ça marche. Du coup, Chantal Latsou, bonjour. Hey, salut, Simon. Comment ça va? On va faire un petit podcast avec des humoristes. Mais je te jure que tu la tiens, je te promets que tu la tiens. Est-ce que tu l'imites sur scène? Jamais, non, pas du tout. Ah, d'accord, tout. Ok. Mais je pourrais. Ouais, non, bah, en plus, ça se reconnaît tellement son style et tout, donc on te reconnaîtrait direct, quoi. Chantal me dit ça, et donc elle arrive quand même à me remotiver et tout, à me donner du courage, la force et tout, machin. Mais bon, j'ai quand même envie de me noyer dans un trou, hein, à ce moment-là. On est quand même il y a les autres gens du jury, je suis mal à l'aise, je ne veux pas aller à la fête, enfin, j'essaye. Et puis Chantal me dit, allez, viens et tout, mais adorable, d'une simplicité, c'est incroyable. Bref, je finis ce festival, je rentre chez moi, machin, et je me dis quand même, voilà, ils ne vont jamais me rappeler, Rochefort, je me suis vautrée, j'ai fait un bide, j'ai eu aucun prix, je ne sais pas si c'est nécessaire de le préciser, je n'ai eu aucun prix. Ils ont tous rappelé tous les prix, les autres. Et voilà. Et donc, je me dis, mais je suis grillée. Je ne ferai jamais les autres festivals internationaux. J'y retournerai jamais à Rochefort. Ça n'ira jamais. Et je crois, 2 ans plus tard, Rochefort me rappelle. Entre-temps, la directrice artistique de Rochefort était venue me voir une fois ou deux en spectacle. Ils m'ont vraiment suivie, quoi. Tu vois, ils sont venus voir mon spectacle encore une fois, deux fois. Vraiment pour me suivre, pour me donner une chance, etc. Et bref, 2 ans plus tard, la programmatrice m'appelle et me dit « On veut programmer ton spectacle en ouverture du Festival Rochefort qui l'a fêté, je crois, fête ses 20 ans ou quelque chose comme ça. » Et là, je dis oui, c'est cool, bien sûr, c'est une date comme une autre dans l'absolu. Et après, moi, je chiale, quoi, de bonheur et de fierté parce que je me dis « Mais ce festival-là, où je pensais que ma carrière s'était arrêtée ce jour-là parce que j'avais bidé, parce que c'était un enjeu trop important, que personne n'avait ri. » Vraiment, et je pensais vraiment que j'allais m'arrêter là. Et voilà, et 2 ans après, on me rappelle pour faire l'ouverture du festival. Et puis, il y a ce Covid de merde qui fait que je n'ai pas joué. Oh, dommage. C'est vraiment bâtard. C'est vraiment bâtard. Oh, dommage. Ouais, j'attendais tellement que tu me dises que ça s'est super bien passé et tout. Non. Bon, bah après, peut-être que du coup, le Covid. En fait, c'est peut-être pour ça qu'il y a le Covid. C'est peut-être parce que du coup, comme j'allais me vautrer. Non, je suis sûr que tu aurais cartonné. Mais c'est quand même bien de voir que les gens du Festival de Rochefort, on en profite pour les saluer. On voit qu'ils sont professionnels parce qu'il y a beaucoup de festivals, et même sans parler de festivals, il y a beaucoup de directeurs de salles ou quoi. Si jamais ils assistent à quelque chose qui ne s'est pas très, très bien passé, ils ne vont même pas chercher à comprendre. Après, évidemment… Il ne t'aurait pas fait revenir, par exemple, si jamais il y avait encore un spectacle, je ne sais pas moi, dans un mois ou un truc comme ça, il ne t'aurait pas fait revenir un mois après. Ils ont voulu voir ton évolution. Donc, ils ont suivi ils sont venus voir ton spectacle plusieurs fois et ils ont dit, là, elle est prête. Et c'est beau. Ouais. C'est ça. Moi, pour moi, c'est ça les vrais professionnels. C'est quelqu'un qui ne va pas te juger. Quelqu'un qui comprend l'humour ne va pas te juger sur une seule soirée parce qu'il sait que peut-être ce soir-là, tu t'es planté parce qu'il faisait trop chaud dans la salle. Peut-être que tu as fourché sur des mots un petit peu. Tu avais du stress. Tu manquais d'expérience. C'est quelqu'un qui va vraiment se dire, j'attends de voir si l'expérience lui permet d'améliorer son style. Et à ce moment-là, quand elle sera prête, je la ferai revenir. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve ça beau et professionnel de leur part. Et vraiment, c'est très respectueux. Vraiment, bravo à eux pour cette mentalité. On aimerait bien que tous les festivals soient comme ça et tous les professionnels soient comme ça. Ouais, vraiment. Je les salue. Je les salue vraiment parce qu'ils sont venus, ils m'ont soutenu, ils ne m'ont jamais laissé tomber. Mmh. Et voilà. Et quand ils m'ont reproposé d'ouvrir le festival, je te jure, c'est là où je me suis dit, en fait, rien n'est jamais plié d'avance, tu vois. Et il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves, il faut travailler et il faut rien lâcher. Et surtout, c'est pas au moindre obstacle, échec, qu'il faut s'arrêter et se dire que c'est fini. Et pourtant, je te jure, tu peux redemander à mes potes, je pensais que plus jamais j'allais remonter sur scène tellement j'avais bidé. Enfin, tu sais ce que c'est, tu bides. J'avais envie de me mettre dans un trou, j'osais pas regarder les gens dans les yeux. J'avais une sensation, c'était atroce. C'est vraiment, t'as l'impression d'avoir arnaqué les gens, qu'ils ont payé pour rien, que tu remets tout en cause, tu n'es pas drôle, bref. C'était une catastrophe et heureusement que j'ai pas lâché. Et encore, merci à Chantal Latsou qui m'a conseillé et tout ça. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Mais c'est beau, c'est une très belle leçon de persévérance comme tu l'as dit, après un bide, on a toujours envie de tout laisser tomber, on remet en question son art et même sa vie au final. Donc c'est bien d'avoir eu cette force de caractère, de continuer quand même cette résistance, cette patience. Et aujourd'hui, tes efforts payent. Et je pense que quoi qu'il puisse se passer dans ta vie, tu continueras à travailler et à te dire je ne laisserai pas tomber de toute façon. Voilà, je ne vais pas me laisser abattre par un obstacle ou quoi. D'ailleurs, là, tu vois, le Covid, c'est un sacré obstacle. Je pense que ça va faire aussi une petite mise à jour un petit peu des humoristes. C'est-à-dire que ceux qui faisaient ça juste pour briller et qui n'y croyaient pas vraiment, ceux qui faisaient ça sans grande conviction, ils faisaient juste ça parce qu'un tel fait ça ou une telle, tu vois, ça, c'est pas bien. Donc, ces gens-là, je pense qu'après le Covid, on ne les reverra plus. Et ça tombe bien parce qu'il faut mériter vraiment d'être sur scène. Il faut avoir envie, il faut être motivé, il faut bosser comme pas possible et toujours se remettre en question, ne jamais se reposer sur ses acquis et continuer à s'accrocher, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. C'était une belle anecdote, bien inspirante. Et, merci à toi. Ben avec grand, grand plaisir. Franchement, là, tu m'as fait honneur aujourd'hui en acceptant le podcast et en nous racontant ça. Attends, pour le même prix, j'ai Cécile Dionga et Chantal Latsou. Je suis au top, moi. Là, je suis bien. Hein. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Cécile Dionga, tout simplement. DJUNGA sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez me retrouver. Et puis, tu as un site officiel? CécileDionga.com pour réserver vos dates de spectacle, pour venir me voir sur scène. LOL. et sinon, je suis dans C'est toujours pas sorcier, qui est le samedi soir sur France 4, donc à tout cover, le jeudi soir sur TFX. C'est ce soir, d'ailleurs, on est jeudi là. Oui. Et puis tout bientôt dans Antidote, le dimanche soir sur France 2. Voilà, bref, en gros. Pas trop me louper, quoi. C'est une excuse si vous me dites que vous ne m'avez pas trouvé. T'inquiète pas, ceux qui aiment l'humour viendront te voir, ceux qui aiment Chantal Latsou aussi, ne t'inquiète pas. Il y aura du monde dans tous les cas. C'est quoi, il suffit que tu rajoutes une imitation de Macron et là tu chopes toute la France. Là, il n'y a pas de souci. Alors, Macron, il va falloir que je travaille pour le prochain podcast parce que vraiment, je Français, française. J'en sais rien en fait. Je ne sais pas faire. Non, ne t'inquiète pas. Nous sommes en guerre. C'est ce qu'il dit. Non, voilà, nous sommes en guerre. Ça, c'est sa phrase, ça. Non, vraiment, vraiment, autant Chantal Latsou, ce serait un honneur de la recevoir dans le podcast. Et au pire, je te demanderai de la remplacer. Autant Macron, je pense que je n'ai pas encore le niveau assez haut dans l'humour pour avoir un humoriste pareil. Tu vois, vraiment, c'est le meilleur d'entre nous. Moi, je t'ai fait une imitation de français. Et toi, tu sais que moi, je suis belge. La prochaine fois, tu devras me faire une imitation du roi Philippe ou alors ou alors de, on verra bien, je te mettrai un petit challenge, quoi. Avec grand plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout, et merci aux auditeurs, et merci à vous tous. Rire, c'est important. Rire, c'est juste une thérapie, et c'est tellement nécessaire. Et riez tous les jours et voilà, riez, quels que soient les humoristes, riez avec Cécile Djunga, riez avec tout le monde, et on te retrouvera donc bientôt, on espère, sur scène, et puis on te retrouvera sur les réseaux. Ma part, vous me retrouvez également donc sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode, je vous dis à très bientôt, bis à tous, même à toi là-bas.